Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Marche des Sciences, une émission spéciale Einstein sur France Culture, un thème proposé depuis lundi dans vos émissions de la tranche Culture Science et en partenariat avec le magazine Science et Vie et Science et Vie TV. Einstein, héros de tous les temps, référence mondiale de la science et de son histoire, personnage à la fois fascinant et complexe, multiple et contrasté, et dont nous fêtons cette année les 100 ans de la découverte de la relativité générale. Sa vie est un roman, son œuvre une encyclopédie, et le parcours méritait bien cette semaine spéciale. Mais quoi de mieux pour entrer dans la richesse du personnage que de s'emparer d'un événement qui à lui seul montre la richesse de l'homme, de sa pensée, et les enjeux multiples générés par ses découvertes et ce qu'il représentait à l'époque. 1922, Einstein à Paris. Entre gloire et ressentiment, dans un contexte international tendu au sortir de la Première Guerre mondiale, la présence d'Albert Einstein à Paris entre le 28 mars et le 10 avril 1922 pour une série de conférences données dans la capitale française suscita un vif engouement de la part de la presse, mais aussi une vague de tensions révélatrices des préoccupations politiques, culturelles, institutionnelles et sociales du moment, au-delà des considérations purement scientifiques. C'est donc un pan de sa vie qui se tient à un moment crucial en ce qui concerne sa théorie de la gravitation, la relativité générale, un temps de gloire sous tension. Retour sur ce voyage à Paris du grand homme en 1922, avec en studio sur France Culture Jean Eisenstedt, historien de la physique et de la relativité, directeur de recherche émérite au CNRS, Observatoire de Paris, auteur de Einstein et la relativité générale, les chemins de l'espace-temps, un livre paru au CNRS Éditions. Et puis depuis les États-Unis, en duplex des studios de la NPR à New York, la radio nationale publique, l'historien des sciences Michel Biesinski, consultant innovateur en gestion d'information, auteur de Einstein à Paris, paru aux presses universitaires de Vincennes, Einstein, correspondance française, un livre édité au Seuil CNRS, et puis Histoire de la physique moderne, à la découverte, paru en 2013, une première partie d'émission qui sera illustrée d'archives sonores, quelques-unes étonnantes, vous verrez, choisies par Anaï Morales et Gwen Michel dans les fonds de l'INA. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, on poursuivra ce rendez-vous avec la figure d'Einstein sous deux angles. L'angle documentaire avec le film Einstein de l'homme au génie de Nadège Demanet, diffusé samedi 26 décembre à 18h30 sur Science et Vie TV. Et puis l'angle du dessin, Einstein héros de BD, à l'occasion de la parution de la bande dessinée Sans concession, Einstein de Corinne Mayer et Anne Simon, une bande dessinée éditée aux éditions d'Argo. Comment Albert Einstein est-il devenu un formidable personnage de BD, héros qui fascine et traverse les générations? Mais est-il réellement un héros recommandable? On en parlera avec Corinne Mayer dans 45 minutes. Mais tout de suite, 1922, Einstein à Paris. Je suis le seul survivant d'un petit groupe qui comprenait Pampin V, Pont Angevin et Jean Perrin et qui prit la responsabilité de l'invitation d'Einstein par le Collège de France et de son séjour à Paris. Or, le séjour d'Einstein à Paris a été un événement du point de vue scientifique. Non seulement du point de vue scientifique, mais du point de vue politique. Vous savez qu'Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm dans le Württemberg, élevé jusqu'à l'âge de 15 ans à Munich, puis en Italie et en Suisse, avait été naturalisé citoyen suisse en 1901. En 1913, il accepte une chaire à l'université de Berlin, où il devait enseigner jusqu'en 1932. J'aperçois assez mal l'incidence politique de son voyage à Paris. Si, ce voyage choquait certains nationalistes français qui regardaient comme allemand ce juif né en Allemagne et professeur à Berlin et ne scandalisait pas moins les nationalistes allemands qui pensaient que ces citoyens suisses, du moment qu'ils avaient accepté une chaire à Berlin, n'auraient pas dû rendre visite aux responsables du traité de Versailles. Bonjour Jean Eisenstedt. Bonjour. Bonjour Michel Bizinski. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean Eisenstedt, en studio, et Michel Bizinski depuis les studios de New York. Alors, on vient d'écouter la voix du mathématicien Émile Borel, et c'était le 1er juin 1950 dans l'émission Voyageurs du demi-siècle, et il revivait ce moment, en tout cas ce voyage d'Einstein à Paris en 1922. Michel Bizinski, donc, il arrive le 28 mars 1922 sur invitation de Paul Langevin, mais après quelques hésitations. Quand même, hein. Oui, ça a fait un peu un scandale de son invitation parce que c'était à l'époque les scientifiques français boycottaient les scientifiques allemands et c'était la première fois qu'un Allemand ou quelqu'un qui était considéré comme Allemand était invité en France. Et alors ces hésitations ont été levées finalement par un de ses amis, je crois, Walter Rathenau, qui lui a dit « mais cette venue peut aussi peut-être améliorer les relations franco-allemandes ». Oui, Einstein était un petit peu un espèce de diplomate, enfin un représentant de... Enfin, il avait envie d'agir pour la réconciliation scientifique internationale. Jean Eisenstedt, il faut peut-être rappeler justement ce contexte international, enfin géopolitique, qui explique aussi les réticences. Et puis, cette invitation de Paul Langevin avait aussi pour ambition de mieux faire connaître, découvrir la théorie de la relativité générale, hein, qui datait de 1916. Et là aussi, les réticences existaient en France. Il fallait convaincre les collègues de l'Académie des sciences. Oui, tout à fait, ça a été assez compliqué. Mais déjà, Langevin s'était beaucoup intéressé à la théorie de la relativité restreinte, la théorie de 1905, hein, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Et il est d'ailleurs celui qui a pensé ce paradoxe qu'on a appelé de Langevin, le paradoxe des jumeaux, qui posait beaucoup de problèmes, et on pose toujours d'une certaine manière, c'est assez compliqué à comprendre. Et c'était un ami assez proche d'Einstein, il l'avait déjà invité d'ailleurs en 14, et puis la guerre... On avait décidé autrement, en tout cas. Absolument. Et donc, il a beaucoup insisté pour qu'Einstein vienne. Einstein a hésité. Et finalement, c'est décidé, en effet, grâce à Rathenau. Et en fait, même le voyage a été complexe. Il devait... Bref, ils ont dû échapper à la foule à la gare du Nord, si je me souviens bien. Einstein, d'ailleurs, le contexte international est important, est un antimilitariste, mais féroce. Je dirais, il supportait pas qu'on marche d'une manière militaire en rang. C'était quelqu'un quasiment côté anarchiste, n'est-ce pas ? Il avait refusé de conserver la nationalité allemande, qui reprend, je crois, en 1919, quelque chose comme ça, après 19, lorsqu'il est nommé en Allemagne. Alors, sur le plan, justement, théorique, quand même, et puis de sa notoriété, de sa gloire, on peut peut-être faire un petit point, même si l'émission ne portera pas sur la relativité générale, mais il faut peut-être donner à comprendre un petit peu ce qu'il représente à cette époque. Donc, il est connu de par le monde. Il est connu, il est surtout connu depuis 1919. Hein. La théorie date de 15, et, mon Dieu, elle a été assez mal acceptée, on en parlera peut-être, et... En fait, bon, ça a posé beaucoup de problèmes. Et puis en 19, il y a la déviation des rayons lumineux qui va être vérifiée au Brésil et en Afrique, mais en fait surtout au Brésil. Et c'est là que la gloire d'Einstein, c'est là le départ de l'image d'Einstein au niveau international. C'est vraiment quelque chose qui stupéfait les gens, qui étonne. Et puis c'est une théorie difficile, c'est toujours une théorie difficile. On a toujours du mal finalement à l'intégrer, à la comprendre et à travailler dessus. Et donc il y a eu beaucoup aussi de scientifiques, et on le verra pendant sa visite, de scientifiques qui reculent devant... Et le personnage en tant que juif allemand, et le scientifique qui pose des questions et qui propose une théorie incompréhensible aux scientifiques. Mais alors du coup, j'ose à peine vous demander, Jean Eisenstedt, est-ce que quand même on peut expliquer aux auditeurs rapidement en quoi il révolutionne avec ses théories ? En fait, il change d'espace. C'est ça le problème fondamental qui est toujours difficile. Je veux dire, on a l'habitude de travailler sur une table, hein, sur une feuille de papier. Et en fait, on ne peut pas faire de diagramme, ce qu'on appelle d'espace-temps maintenant, sur une feuille de papier. Parce que le temps et l'espace sont des choses... c'est pas seulement une courbure au sens banal du terme, c'est une courbure de l'espace-temps. Et ça pose vraiment des problèmes complexes à visualiser. En fait, il ne faut pas faire de dessins, à mon avis, ou des dessins amusants. Mais il ne faut pas faire de dessin, sinon on se trompe. Michel Bieszynski, en fait, cet homme, Einstein, est célèbre, mais il suscite donc un engouement. Alors que l'on retrouve dans la presse de l'époque, vous, à travers la thèse et le livre que vous avez commis, vous avez travaillé sur ces journaux. Il faut rappeler qu'il y avait quoi, une trentaine de journaux quotidiens à l'époque ? Oui, c'est ça. Et en fait, j'étais étonné par cette découverte de tout ce matériel, parce que au départ, je pensais travailler simplement sur le matériel scientifique, les revues scientifiques, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un véritable phénomène culturel, et que dans les journaux, il y avait beaucoup plus d'informations intéressantes sur l'impact culturel, social, politique, qui était évidemment complètement absent de toutes les publications scientifiques. Et donc, c'était une mine absolument incroyable. Et du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps à étudier ça que ce que j'avais pensé au départ. Alors, un homme qui est attendu, mais attendu différemment. C'est-à-dire qu'il y a l'engouement de la foule dont on parlait, qui se presse à la gare pour essayer de le voir. Et puis finalement, il sera, j'ai presque envie de dire, exfiltré par l'angevin qui va lui éviter le contact avec la foule. Mais des personnes vraiment enthousiastes. Et en même temps, il y a aussi la critique que l'on perçoit dans la profusion de caricatures, dans les articles en tout genre. C'est-à-dire un homme que l'on traite... il a une nationalité suisse, mais il est allemand pour certains. On se querelle un peu sur sa nationalité, il est juif, il y a des propos antisémites. Comment est-il perçu dans cette presse, justement ? Ben justement, je crois que vous avez mis le doigt sur le point essentiel, c'est qu'en fait, il rentre dans aucune case. Et c'est vrai aussi du point de vue scientifique. C'est-à-dire que la théorie de la relativité, aussi bien l'aspect restreint que l'aspect général, c'est un décalage par rapport à ce qui se fait en physique, à ce que les gens connaissent ou ont appris en physique. Et donc, ça correspond également à la façon dont il est perçu en général. C'est-à-dire qu'il n'est jamais là où on croit qu'il est. Donc, les physiciens traditionnalistes le considèrent à peine comme un physicien, parce qu'il est, vraiment décalé. Et de même que les Allemands ne le considèrent pas vraiment comme un Allemand, il n'est jamais là où on l'attend. Et je pense que ça, c'est ce qui a constitué aussi la force du mythe qui s'est créé. C'était un personnage extrêmement populaire. Et le décalage aussi, c'est que c'était un homme extrêmement simple sur le plan personnel, qui avait un rapport très, très facile avec les gens. Et en même temps, ses théories étaient réputées incompréhensibles. Donc il y avait aussi ce décalage. Donc c'était un décalage total sur tous les plans. Et ça fonctionnait très très bien du point de vue du mythe. C'est ce décalage qui va nous occuper certainement une bonne partie de l'émission, décalage avec le public, décalage avec les scientifiques et puis un homme à part de toute façon. On va repartir dans les fonds justement des archives de l'INA, retrouver le mathématicien Émile Borel dans cette émission Voyageurs du demi-siècle, datée du 1er juin 1950, et retrouver justement ses souvenirs de l'époque. Lorsqu'il a parlé au Collège de France, dans quelle langue a-t-il prononcé ses conférences ? Einstein fit ses conférences en français. Il parlait notre langue couramment et avec confiance, mais avec une certaine lenteur et un léger accent étranger. Il évitait le plus possible les termes techniques et ne craignait pas d'user de métaphores. Son discours prenait ainsi un charme et un attrait tout particulier, dû sans doute à un mélange de rêverie et de mystère. Aussi séduisait-il bien des auditeurs cultivés qui ignoraient les formules mathématiques, mais auquel il donnait l'impression d'un esprit vraiment supérieur. Jean Eisenstedt, alors 4 conférences données, en français, visiblement. Alors, il maîtrisait vraiment bien notre langue ? Il ne maîtrisait pas le français écrit, en tout cas. Et ses traductions par son ami Solovine, qui était d'ailleurs présent, bien entendu, parce qu'il travaillait à Paris, ne sont pas de bonnes traductions. Il y en a une meilleure depuis. Alors, donc, des conférences données, mais alors... Le cercle est restreint quand même, un trié presque privé, on peut dire, mais des 4 conférences majeures et qui vont donner une impulsion à des travaux scientifiques et philosophiques. Oui, sûrement, et beaucoup de questions. Il faut dire que les physiciens, comme l'a dit Michel Wiesinski, sont très réticents, surtout les expérimentaux, les expérimentateurs. Un type comme Henri Boisse de Bordeaux raconte des choses absolument horribles. Il supporte pas. J'ai lu aussi bien des Américains d'ailleurs, des commentaires. Je ne m'y ferai jamais. C'est pas une théorie physique. C'est toujours un peu le cas. Hein, ça existe encore ce genre de point de vue. Donc il a ses soutiens avec Paul Langevin, Émile Borel, avec des proches comme ça, et les détracteurs. Oui, beaucoup de mathématiciens. C'est d'ailleurs beaucoup une théorie mathématique, il faut bien le dire, la relativité générale. Et vous avez Adamard qui sera présent, Élie Cartan, enfin les grands noms de cette époque-là. Les grands noms de l'époque. Il y a quelques physiciens comme Becquerel, Langevin, mais c'est pas la majorité. Les physiciens sont en France réticents. Mais qu'est-ce qui est au cœur des discussions? La validité expérimentale des théories d'Einstein? Eh bien, elle pose problème. C'est-à-dire que la relativité générale est une théorie qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle une anomalie de la théorie de Newton, mais qui est extrêmement faible. En fait, on n'a pas vraiment besoin de la relativité générale à l'époque, il faut le dire. Ça ne sert pas à grand-chose. L'anomalie, c'était quoi? L'anomalie, c'est l'avance du périhélie de Mercure. Mercure ne répondait pas aux critères newtoniens. On n'arrivait pas d'une manière correcte à en rendre compte. Mmh. Bien. Et puis en 19, un effet qu'Einstein avait prévu, la déviation des rayons lumineux par le Soleil, c'était la courbure des rayons lumineux, courbure au sens propre, est observée en 1919 donc au Brésil. Et c'est là qu'un certain nombre de physiciens qui étaient encore réticents vont quand même accepter la relativité générale. Mais malgré tout, ces années 1919-20, c'est d'une part la gloire d'Einstein, ça y a pas de problème, mais c'est aussi un début d'une traversée du désert de la théorie. La théorie, à partir de ce moment-là, il y a une très grande croissance des publications dans les années 20, et puis après, il y a une chute absolument verticale. Peu de gens, entre les années 22, justement, et jusqu'aux années 50, vont travailler en relativité générale. C'est un champ à peu près désert. Et en même temps, qui peut vraiment comprendre cette théorie-là, à ce moment-là? Franchement. Bon, il y a ceux qu'on appelle les relativistes, ils sont très peu nombreux qui la défendent et qui ont un lien physique, je dirais, avec ça. Ils y croient et vraiment ce sont des inconditionnels. Beaucoup de physiciens restent très lointains. La comprendre, c'est travailler dessus, d'une certaine manière. Les images qu'on en donne sont difficiles à projeter. Et les gens ont du mal à la comprendre. C'est pas une théorie simple. Les mathématiques sont extrêmement complexes. On travaille sur une théorie de Riemann qui, en plus, n'est pas la théorie classique parce que la distance, les distances nulles, des choses assez complexes. Oui, oui, c'est pas comme la théorie euclidienne. Hein. C'est quelque chose de difficile et encore aujourd'hui, ça pose des problèmes justement dans les théories unifiées afin de rendre compétent parce que c'est pas le même genre justement d'espace. C'est un espace qui est très bizarre et les équations sont d'une grande complexité, les solutions exactes sont très rares et les effets, il y a trois effets qu'Einstein d'ailleurs a pensé dès 1907, dès qu'il se met à travailler, il a déjà pensé tous les effets possibles, les effets classiques, le périhélie de Mercure, la déviation des rayons lumineux et le décalage vers le rouge. Le décalage vers le rouge, le troisième effet, ne sera vraiment expérimenté d'une manière correcte qu'en 1959-60. C'est quand même fou. Et pendant ce temps-là, il n'y a rien d'autre. C'est donc une théorie qui est meilleure que celle de Newton, c'est clair. Elle est bloquée par le périhélie de Mercure, en fait. Mais elle ne va pas plus loin. Le décalage vers le rouge, expliquez-nous quand même, pour au moins les auditeurs qui n'auraient pas alors, toutes les clés pour comprendre la relativité générale. Oui, le décalage vers le rouge, ça veut dire que la fréquence d'un atome dans un champ de gravitation va varier. Et ça, c'est très difficile à mesurer. Et on aura de mesures convaincantes. Pas avant les années 59-60. D'où la question de la validité expérimentale. Exactement. Des théories qu'Einstein a imaginées dans ce cerveau, justement, qui sera d'ailleurs scruté après sa mort pour essayer de comprendre comment il est parvenu à ces théories-là. Et en même temps, c'est un homme qui suscite et qui attire justement les foules, qui suscite l'intérêt. Et on va en prendre la mesure avec le témoignage d'un homme, André Gillois, l'homme de radio, dans l'émission Les Enfants du siècle, c'était en 1950. Devant la porte de la Sorbonne, la foule se pressait pour entrer. Et dans cette foule, juste devant moi, un homme petit, un peu gros, mal habillé, et les lacets de souliers pendant par terre, cherchait à entrer comme les autres. Il se fit enfin reconnaître, c'était Einstein. Collé derrière lui, je pus entrer dans la place, et couché par terre sous le tableau noir, je regardais Madame Curie, Jacques Adamard et Painlevé qui discutaient, celui-là surtout, qui marchait de long en large comme s'il se fût agi d'une réunion politique. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Michel Bieszynski, je disais que finalement cette visite d'Einstein en France en 1922 se joue sur deux terrains d'études que vous avez travaillés, le traitement dans la presse et dans l'opinion publique, et puis la réception d'Einstein et de ses travaux à travers le prisme du monde scientifique capable, plus ou moins, de comprendre les théories développées. Alors, dans cet espace public, donc, c'est un homme simple. Là, on en a eu la traduction par le témoignage d'André Gillois. Il ne se soucie guère de sa tenue vestimentaire, d'ailleurs, mais suscite l'engouement et des snobs et des salons. Le tout Paris le veut à ses côtés. Oui, et en fait, quand on prend un peu de perspective par rapport à ça, on se rend compte que la vulgarisation scientifique, depuis que ça existe, c'est un phénomène qui a un rapport direct avec les salons, et notamment avec les femmes, qui ont été le principal vecteur de vulgarisation scientifique depuis le 18e siècle et même avant. Il y a toute une histoire qui se manifeste encore en 1922, parce qu'on est encore dans une tradition où il y a des salons, où il y a ce qu'on appelait les femmes du monde qui reçoivent et qui invitent des gens pour parler de sujets complexes, donc notamment de la relativité. Et la presse, bien sûr, fait ses choux gras de ces événements et aime bien détailler, en fait, donner un peu de détails sur les gens, sur la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils parlent, etc. Mais ce qui est quand même très intéressant là-dedans, c'est que la vulgarisation scientifique passe par là, à ce moment-là, encore. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait à peu près une trentaine de quotidiens à Paris à l'époque, et toute la presse en parle. Donc c'est vraiment un phénomène médiatique très très important. Je crois qu'aussi, à l'époque, on sortait de la Première Guerre mondiale, il y avait besoin un peu de... Enfin, la France avait... Il y a eu énormément de victimes pendant la guerre mondiale. Donc la France a perdu une partie importante de sa population. Il y avait besoin de se tourner vers des choses un petit peu plus spirituelles, un peu plus philosophiques. Et donc, il y a eu un engouement, je crois, intellectuel pour les idées d'Einstein qui étaient liées à cette époque historique. Et alors, que sait-on de l'attitude d'Einstein vis-à-vis, justement, de ce public-là, des mondaines, j'ai envie de dire, qui veulent le récupérer dans leur salon et qui sont allègrement dénoncés dans une certaine presse, qui souhaiterait bien voir la Sorbonne débarrassée de ce genre de public? Jean Eisenstadt. Oui, je me souviens que, je crois que c'est dans ton livre, Michel, j'ai lu quelque part qu'il avait été invité à s'installer chez la comtesse de Noailles, et qu'en fait, il a absolument refusé, prétextant qu'elle avait le téléphone et qu'il ne supportait pas cet objet-là. Donc c'était quand même quelqu'un d'extrêmement particulier. Les snobs, je pense pas que c'était son grand amour. Bon, en tout cas, Michel Bieszynski, allez-y. Je suis même pas sûr que cette histoire vienne d'Einstein lui-même, parce que je pense que ça a dû être... C'est quelque chose qui était rapporté par des journalistes et je ne suis pas totalement sûr de l'authenticité de cette histoire. Donc, mais enfin, c'est intéressant de voir que on en parlait de cette façon-là. Donc, oui, ça lui semble bien. C'est finalement. Oui. En tout cas, on imagine que Madame de Noailles a réussi à se faire inviter dans d'autres lieux. On retourne dans les archives de l'INA et Émile Borel nous raconte un de ses dîners avec des scientifiques et puis des dames. Vous allez voir, c'était les souvenirs dans Voyageurs du demi-siècle, 1er juin 1950. En dehors des réceptions académiques et des colloques scientifiques, vous avez eu des contacts personnels avec le grand physicien. Certes. Nous avions organisé chez nous un déjeuner où assistaient avec Einstein, Painlevé, Langevin, Perrin, Madame Curie et la comtesse Anna de Noailles. Celle-ci avait manifesté le vif désir de connaître Einstein et s'adressait à lui avec l'éloquence et la volubilité qui lui étaient habituelles. Mais Einstein lui répondit seulement « Madame, je m'excuse, mais je ne comprends le français que quand on le parle mal. » Ne pouvant se résigner à parler le français lentement, Anna de Noailles préféra s'adresser à Einstein en allemand, mais il lui répondait en français par égard pour les autres convives. On le sentait profondément humain, et il ne manquait pas d'humour. Lorsqu'en 1932, plusieurs associations féminines s'opposaient à son entrée aux États-Unis parce qu'elles lui attribuaient des opinions subversives, il dit à un représentant de la société de presse « Pourquoi ne pas admettre un homme à ce point ordinaire qu'il s'oppose à toute espèce de guerre, excepté une inévitable guerre avec sa propre femme ?» Jean Eisenstedt, une réaction peut-être, c'est tout à fait caractéristique, vous diriez, oui, du personnage. Tout à fait. C'était un homme assez sauvage, en fait. Il n'était jamais parfaitement bien habillé. Il n'allait pas au séminaire lorsqu'il était à Princeton. Il avait une idée fixe, c'était bosser. Hein, c'était un type qui adorait le travail. Qui avait d'ailleurs sacrifié sa propre famille, hein, faut le dire. Absolument, hein. Et sa fille. Sa fille, qu'il avait eue avec Mileva, oui, d'un premier mariage. Et dont on n'a pas retrouvé la trace. Oui. Bon, on peut peut-être donner un peu plus d'explications sur ce thème-là. Eh bien, elle est née à un moment où Einstein était à Berne et où... Il n'était pas marié d'ailleurs avec Mileva. Il n'était pas marié. Il n'avait pas de situation. Non. Non, tout à fait. Et donc, elle a été mise en nourrice ou quelque chose de ce genre. Et sans doute, elle a été malade et il n'y a plus de traces d'elle, ni dans les courriers. Et Mileva, donc, qu'il avait rencontré à l'école, hein, qui était une scientifique, elle aussi, quand tout même. Tout à fait, hein. Tout à fait. Cette relation n'avait pas beaucoup plu à la maman d'Einstein non plus. Et après, bon, voilà. Et donc, Einstein, au fil des années, a vu sa situation professionnelle s'améliorer. Après, donc, ils ont pu se marier et ils ont eu deux fils. Ils ont eu deux fils, en effet. Mais le mariage s'est soldé par un divorce dans les années 20, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, ça c'est vrai. Pénible histoire, oui. Oui, un homme qui aimait les femmes. Ah oui. Volage. On peut dire qu'il était volage. Mais difficile pour cet homme d'avoir un regard sur la famille. Il était vraiment concentré complètement à 1000% sur les travaux, la physique, les théories. Oui, tout à fait. Il ne s'est pas beaucoup occupé de ses enfants, j'ai l'impression. Alors, ces conférences, Jean Eisenstedt, elles ont un impact dans le monde quand même de la science française. La dernière, notamment, apparemment, celle du 31 mars, a été le point culminant de la visite d'Einstein, puisqu'il y a exposé les postulats de la relativité restreinte, puis la relativité générale, avant de finir sur la finitude de l'univers. Mais on est dans une atmosphère où il n'y a pas ce consensus dans la communauté scientifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand même sur ce qui s'est joué dans ces conférences aussi ? Oui, il s'est joué pas mal de choses et il a eu une discussion assez pénible, disons, avec Painlevé. En fait, lorsqu'on voit, il y a une correspondance qui s'en est suivie, Painlevé, comme beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens, il était plutôt mathématicien, mécanicien plus précisément, ne comprenait pas fort bien la relativité générale et Einstein lui écrit une lettre d'ailleurs extrêmement claire pour lui expliquer. C'est le problème de ce que c'est qu'une distance. Il n'y a pas de distance en relativité générale, il n'y a qu'un temps. C'est pas, lorsqu'on va de Paris à Marseille, eh bien, on y va en 3 heures en TGV, et les kilomètres n'ont pas de sens. C'est un peu le cas en relativité générale. Il n'y a pas de distance au sens newtonien. C'est une des difficultés qu'on a. Le seul concept qui tient bien, c'est le temps propre, c'est-à-dire la montre que vous tenez dans la main. Ça, c'est la relativité. Au-delà de ça, on n'a pas grand-chose. Il faut travailler avec ça. Et alors, il y a aussi Jacques Adamar, lors de la séance du 5 avril, qui évoque le cas limite d'un effondrement gravitationnel. Alors, Oui, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. La seule solution importante de la relativité générale, c'est ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild. Finalement, c'est le champ de gravitation autour d'une étoile comme le Soleil, sphérique. Bon, et c'est une solution parfaitement intégrée par Schwarzschild, qui va mourir d'ailleurs aussitôt après. Et en fait, on a dans cet espace-temps, c'est un espace-temps d'une certaine manière, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un objet bizarre mathématiquement, et ça va faire couler beaucoup d'encre, et pas seulement en 1922, mais jusqu'aux années 60, puisque c'est ça qui va donner naissance au trou noir. Mais les trous noirs n'ont pas été acceptés, pas plus par Einstein d'ailleurs que par d'autres, avant les années 60. Le mot trou noir, c'est 68 ou 69, je ne sais plus. Donc, c'est quelque chose qui a été très difficile à comprendre. C'est toujours un problème de coordonnées. Je parlais tout à l'heure de la distance. La longueur, la largeur, la hauteur, n'est-ce pas, et le temps de Newton, dans un espace comme ce studio, ça n'a plus de sens en relativité générale. En fait, les coordonnées n'ont pas de sens physique. Et ça, pour se mettre ça dans la tête, c'est très difficile. J'ai moi-même eu du mal, je m'en souviens encore. N'est-ce pas? Le temps propre. Comme le poumon dans Molière. Vous savez, le poumon. Il faut toujours dire ça, le temps propre. On revient au temps propre. En tout cas, beaucoup de scientifiques n'avaient pas votre humour, hein, Jean Eisenstadt, parce que notamment la séance du 3 avril se passe mal, hein, sans Einstein, qui a su qu'une trentaine d'académiciens avaient prévu de quitter la salle tous ensemble à son arrivée. Donc on sent bien que cette venue d'Einstein à Paris est difficile, en tout cas, pour lui. Oui, ça c'est à l'académie. L'Académie, un engouement du public, Michel Bieszynski, mais un public qui, lui, se sent peut-être, pour cette question de la vulgarisation, un petit peu hors champ, j'ai envie de dire. La presse de l'époque ne se fait pas l'écho, hein, des discussions qui se jouent entre les scientifiques. Non, parce que je pense que la discussion scientifique elle-même, proprement dit, n'intéresse pas grand monde. Mais par contre, ce qui intrigue les gens, c'est que Einstein parle de choses que tout le monde croit connaître, ou que tout le monde connaît, mais par un autre angle. Par exemple, le temps, même la notion de relativité, quand on dit tout est relatif. Les gens croient connaître le sujet, et en fait, ce qui se passe, c'est que la théorie scientifique est différente de ce qu'ils imaginent. Donc il y a des discussions là-dessus. Les philosophes aussi se sont intéressés au sujet. Par exemple, Bergson a écrit des essais sur le temps. Et il y a eu toute une discussion aussi là-dessus, sur cette valeur-là. Donc en fait, on est dans des concepts scientifiques quasiment méta-scientifiques, c'est-à-dire que, enfin en tout cas théoriques. Et ça intéresse tout le monde. Mais les détails de la théorie de la relativité, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui intéressait vraiment les gens. Jean Eisenstadt. Oui, en fait, tout est repensé. Il n'y a pas de théorie de la mesure, d'une certaine manière. On ne sait pas ce que c'est qu'une distance, je l'ai dit, j'y insiste. Et le tout est relatif, c'est une absurdité, en relativité. C'est un mot qu'Einstein ne voulait pas prononcer, qu'il ne voulait pas donner ce nom à sa théorie. Il voulait l'appeler, et il avait raison, théorie des invariants. Oui, vous avez un invariant, c'est-à-dire vous avez c'est un le contraire. Objet. C'est le contraire. Et c'est la projection qui est relative, c'est-à-dire la manière dont vous le voyez. Mais l'objet, lui, est, au niveau le plus fondamental. C'est un invariant. Et Einstein, ce sont les invariants qui l'intéressent. Alors, on a la voix de Albert Einstein en allemand. Si vous voulez que nous l'écoutions, je vous le propose. Elle a été retrouvée dans les fonds de l'INA. Et c'est ce savant, justement, qui s'est exprimé quelques années plus tard, en 1932, devant la Ligue allemande des droits de l'homme, en disant notamment « Je n'ai jamais aspiré au luxe et au faste, je le méprise, j'ai toujours aspiré à l'égalité sociale. Et même, c'est une passion et cela m'a mis en conflit avec d'autres. Je me préoccupe avant tout de l'individu. Et pour toutes ces raisons, eh bien, je suis passionnément pacifiste et antimilitariste et je refuse tout patriotisme. » Voilà, c'est la teneur de ce document que nous allons vous proposer tout de suite, suivi, Jean Eisenstadt, de votre choix musical, hein, Django Reinhardt, Swinging with Django. Nach Wohlleben und Luxus strebte ich nie und habe sogar ein gut Teil Verachtung dafür. Meine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit hat mich oft in Konflikt mit den Menschen gebracht, ebenso meine Abneigung gegen jede Bindung und Abhängigkeit, die mir nicht absolut notwendig erschien. Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärt. suite de la Marche des sciences sur France Culture en partenariat avec le magazine Science et Vie, dont le dernier hors-série est un spécial 100 ans, Einstein et la relativité générale. Et nous sommes en compagnie de Jean Eisenstedt, historien de la physique et de la relativité, directeur de recherche émérite au CNRS, observatoire de Paris et auteur de Einstein et la relativité générale, les chemins de l'espace-temps, paru au CNRS édition, un livre, je le précise, qui se lit mais comme un roman. Et puis depuis les États-Unis, en duplex des studios de la radio publique nationale à New York, l'historien des sciences Michel Biesinski, auteur notamment de Einstein à Paris, un livre paru aux presses universitaires de Vincennes. C'est une plongée dans l'histoire de la visite d'Einstein à Paris en 1925, médiatique et chaotique visite, mais qui a laissé des traces hein, dans les mémoires, comme celle de Jean Cocteau. Pour moi, tout a commencé au Collège de France. Einstein est venu parler de la relativité pour la première fois. Personne n'y comprenait rien dans la salle. Et à la fin, il a dit que voilà la formule qui résume mon système, ma thèse. Et alors là, on a applaudi parce que c'était la fin. Et alors après, il a dit, est-ce que quelqu'un peut me poser une question? Et là, il y a eu une question, une réponse. On n'a pas assez attaché assez d'importance. C'est considérable pour moi, c'est considérable. C'est là que tout a changé. Monsieur Langevin a dit, comment mesurez-vous ces choses? Et Einstein a répondu, ces choses ne se mesurent pas. C'était une réponse très nouvelle en France, où on pense que tout se mesure. Jean Eisenstedt, donc c'était Jean Cocteau qui s'exprimait en 1952. Et là, on sent que même si cette venue en 1922 en France, alors a marqué sur le moment, mais après peut-être que l'engouement s'est dilué, il y a eu un impact quand même dans les années qui ont suivi, sur l'enseignement aussi, peut-être sur la diffusion de la science, sur ces théories. Une guerre en France, en tout cas, et même à l'étranger. On insiste toujours beaucoup sur le manque de cours sur la relativité générale avant les années 50-60. Mais le fait de dire que tout ne s'explique pas, ça a changé peut-être les choses, non? J'ai l'impression que ça renforçait l'idée d'incompréhensibilité de la théorie. À quoi ça sert? C'est la grande question qui se posait. Et justement, à partir des années 20, Einstein ne travaille plus sur la relativité générale, il travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui les théories unifiées. Il essaie de construire une théorie unifiée, d'ailleurs il fait des progrès sans arriver à son terme, et on n'y est toujours pas aujourd'hui. Et puis, on essaie de comprendre, les gens travaillent malgré tout, les gens travaillent, essaient de comprendre la théorie. Et un des vecteurs, c'est la cosmologie. La relativité générale, c'est vraiment une théorie pour comprendre l'univers, pour faire de la cosmologie. Ça n'a rien à voir avec la théorie de Newton, où l'univers, finalement, c'est descriptif. L'espace est fait. Là, les équations de la relativité générale, ce sont des équations pour construire un espace-temps. Donc, Einstein fait ça dès 1917. Il met dans son univers une matière uniforme, dans tous les sens, et il en trouve les équations. Ce sera ensuite retravaillé, etc. Et ces espaces cosmologiques, qui sont toujours aujourd'hui la cosmologie standard, travaillés, permettent de travailler sur la théorie, de comprendre ce que c'est qu'un espace-temps, de faire des progrès. Les gens ont besoin de faire des progrès, de comprendre comment ça se passe. Et il y a un tas de questions, d'ailleurs, qui sont délicates. Parce qu'il y a des espaces vides qui ont quand même une structure, qui n'est pas la structure plate, et même une structure plate, pourquoi vous avez une structure plate avec un espace vide? C'est une question qu'Einstein n'arrive pas à bien accepter. Il aurait voulu qu'un espace vide n'existe pas mathématiquement. Il aurait voulu ça, mais bon, hein, c'est un espace minkowskien, c'est-à-dire quasiment euclidien. Bon, donc, on va beaucoup travailler pendant ces années-là, mais au niveau observationnel, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau avant les années 60, n'est-ce pas, où on va mieux comprendre, on va mieux travailler, et où l'astrophysique relativiste va donner tout son sens à la relativité générale et la cosmologie. Michel Biesinski, un dernier mot peut-être sur cette visite donc d'Einstein à Paris, ses conséquences, ses répercussions. Il faut préciser qu'avant de repartir, d'ailleurs, il a voulu visiter les zones dévastées hein, par la Première Guerre mondiale. Et voilà, c'était un geste qui n'était pas anodin non plus. Non, c'était un geste symbolique important. Ce que je voulais dire aussi pour faire écho à ce que vient de dire Jean, c'est que une des conséquences de ce voyage, ça a été l'introduction de la relativité dans l'enseignement. Alors ça s'est fait au Collège de France de façon assez naturelle, puisque le Collège de France est tout à fait innovateur. Il y a eu une histoire intéressante à Polytechnique où la relativité a été enseignée pendant 3-4 ans après son voyage, pour ensuite être supprimée, réintroduite à la fin des années 30. Et à la Faculté des sciences, à part la création de l'Institut Henri Poincaré en 1928, où on a commencé à s'intéresser à la relativité, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'aux années 50. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui s'est passé à Polytechnique, parce qu'on a l'impression que Polytechnique a été soumis à un effet de mode, finalement, qui était l'impact de la vie d'Einstein, et qui a créé cet enseignement donc, de façon temporaire. Ça, je trouve que c'est un phénomène intéressant aussi à regarder. Merci. Merci à tous les deux, Jean Eisenstedt. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Einstein et la relativité générale, les chemins de l'espace-temps » à retrouver au CNRS Éditions. Et puis Michel Bizinski, auteur de « Einstein à Paris » aux presses universitaires de Vincennes. « Einstein, correspondance française » commis aux éditions du Seuil avec le CNRS. Et puis « Histoire de la physique moderne » qu'on peut retrouver dans la collection Gallimard « La découverte ». Mais on poursuit notre portrait, bien sûr, d'Albert Einstein sous d'autres cieux. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec tout d'abord au programme télé, un documentaire très didactique et éclairant sur Einstein et sa théorie de la relativité générale. Un documentaire qui sera diffusé sur Science et Vie TV samedi à 18h30 et réalisé par Nadège Demanet. Einstein, de l'homme au génie, c'est son titre, de l'enfance à la reconnaissance, de sa découverte de la boussole à l'âge de 5 ans à la théorie de la relativité. 36 ans de la vie de cet homme qui eut bien du mal à être suivi, un mode de pensée et une intelligence à part, hors norme, étonnante pour l'époque. Un jour de 1883, alors qu'il a 5 ans, il tombe malade. Et ce jour-là, son père lui offrit un cadeau, une boussole. Et ça a été un moment important, voire décisif dans sa vie. Je crois me souvenir que cet événement me laissa une impression profonde et durable. Il devait donc y avoir derrière les choses quelque chose de profondément caché. Alors, pour remonter le fil du temps de cette histoire et saisir la façon dont Einstein a bouleversé les lois de l'univers, comprendre les mécanismes en jeu dans son cerveau et sa façon de penser le temps, l'espace. Einstein, de l'homme au génie, un documentaire de Nadège Demanet à découvrir sur Science et Vie TV ce samedi à 18h30 avec les témoignages d'historiens des sciences, de philosophes et de physiciens. Et pour les férus de bande dessinée, Einstein, une biographie dessinée par Corinne Maier et Anne Simon, troisième volet d'une trilogie qui a déjà fait revivre Freud et Marx, le tout paru chez Dargaud. Bonjour Corinne Maier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que, c'est la première question qu'on a envie de vous poser, vous avez une fascination pour ces grands hommes ? Ah oui, oui, oui, oui, oui, parce que ils ont des vies, très, très romanesques. Au fond, sont des héros. Pour nous, sont des héros. On peut raconter leur vie et leur rapport finalement à leur création comme une forme de geste héroïque. Donc, c'est très intéressant de les regarder autrement et puis de les faire bouger avec le dessin magnifiquement inspiré d'Anne Simon. Alors un personnage, oui, vous faites un joli couple en tout cas dans cette réalisation, c'est vrai, ces dessins et puis votre plume à vous, Corinne Maier, et avec ce personnage, Einstein, personnage de bande dessinée, hein, héros et anti-héros, j'ai envie de dire, parce que vous nous faites sentir à la fois ses qualités et ses défauts d'homme, c'est une BD, je disais, sans concession. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire des monuments de ces grands hommes. Il faut montrer qu'ils sont humains, qu'ils ont des difficultés comme nous autres au fond, et qu'ils affrontent une multitude d'ennemis, de problèmes de reconnaissance, problèmes de travail, problèmes amoureux aussi. Et tout ça, ça fait partie en effet du tissu d'une vie. Donc c'est intéressant. Et puis je pense qu'il faut aussi en rendre compte. Enfin, il ne s'agit pas non plus de les transformer en saints modernes. Enfin, ce sont des gens comme nous, simplement. simplement, ils étaient géniaux et ils ont révolutionné leur domaine. Donc forcément, on s'intéresse beaucoup à eux et puis on cherche un petit peu à les présenter autrement, les faire bouger de façon presque cinématographique pour que ça soit un petit peu rock'n'roll. Alors j'en profite, hein, parce que je vois l'intérêt de Jean Eisenstedt pour lui tendre la bande dessinée. Allez-y, vous pouvez la découvrir en même temps que nos auditeurs. Alors l'envie de rendre toute la complexité, hein, les facettes multiples, Corinne Maillère, ça veut dire à la fois le cerveau, la patride, le sioniste, le mari, le père, on en a déjà parlé dans la première partie de l'émission, le pacifiste, c'est toute cette vie-là et puis toutes les questions qu'il a pu se poser aussi en voyant cette science utilisée à des fins guerrières. Pas facile, j'ai envie de dire, de s'emparer d'un tel homme. Corinne Maillère, comment vous avez travaillé? Parce qu'il y a beaucoup de documentation sur lui, beaucoup de recherches, de livres, et en même temps, il faut quand même avoir un sens un peu scientifique, non? Oui, il y a beaucoup de choses, évidemment, de même qu'il y a beaucoup sur Marx et sur Freud, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de s'immerger dans une espèce de vaste fleuve, d'essayer de comprendre aussi ce qui est important, ce qu'on veut faire passer, et puis en même temps d'écrémer, de faire une sorte de tri comme ça au fil de l'eau. Et puis mais ce qui est drôle, c'est l'impression de plonger dans une piscine quand on écrit le scénario, parce qu'il y a énormément. Puis je dois avouer qu'en fait, pour Freud et Marx, j'avais quand même les repères essentiels, mais pour Einstein, ça a été un peu plus difficile, n'étant pas scientifique de formation. Donc Anne et moi, nous nous sommes un petit peu fait aider, puisqu'on a demandé des conseils autour de nous, des conseils de gens plus éclairés. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à des réunions très sérieuses où on partait dans des choses qui nous dépassaient un petit peu, mais qu'on a quand même tenté de comprendre. Du coup, notre culture scientifique, en tout cas la mienne, a quand même un petit peu décollé. Donc maintenant, je peux à peu près comprendre ce qui s'est dit, par exemple, ici, avant que je n'arrive sur le plateau. Donc je sens que j'ai progressé. Alors, quelles étaient peut-être juste les questions les plus complexes qui se sont présentées à vous? Oh bah énormément. Déjà, comprendre exactement, finalement, la portée de ce qu'il avait voulu faire. Et je pense que ce qui m'a servi de boussole, puisque on le sait, le petit Albert... À l'âge Albert, de 5 ans, voilà, son père lui remet une boussole alors qu'il est malade, et ça va être, dit-on, le déclic en tout oui, cas. Oui, c'est certainement un objet essentiel dans son espèce de quête du Graal de la formule du monde. Et alors moi, ce qui m'a servi de boussole, c'est de me dire qu'au fond, Einstein, c'était un artiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a refaçonné le monde, pour nous, enfin pour tous les gens qui vivent aujourd'hui et qui ont vécu à son époque, et qu'il a complètement transformé. C'est-à-dire la façon dont les gens vivent dans le monde est complètement conditionnée par ce qu'il a apporté. Et au fond, c'est comme à l'instar d'un Picasso. On ne voit plus le monde après Picasso comme on l'a vu avant. Donc je pense que ça m'a servi de boussole vraiment. C'est-à-dire, bon, indépendamment évidemment des aspects scientifiques que nous avons travaillé, enfin je dis nous, donc Anne et moi, je crois que le fait de se dire, après tout, c'est un artiste et on avance dans cette direction, permet de, je pense, de réouvrir un petit peu la geste d'Einstein et de la présenter au grand public. En tout cas, c'est une vraie responsabilité quand on est auteur de bande dessinée, comme vous, et avec Anne Simon pour les dessins à vos côtés, c'est de se dire, vous avez la responsabilité de rendre cet homme qui est un savant universel, qui a traversé toutes les générations, de le rendre à tous sous une forme de bande dessinée, en même temps en y allant avec votre propre ressenti personnel. Donc comment vous avez géré peut-être ça? Parce que vous aviez peut-être envie, vous aussi, de donner ce que vous ressentiez. Cet homme, vous ne l'avez pas rencontré, et pour cause, ce n'est pas la même génération, mais vous le percevez d'une façon qui vous est propre. Oui, c'est en effet. On sent qu'on est responsable et enfin on est responsable en effet de ce qu'on dit, et d'autant plus qu'il existe de nombreuses traductions du Marx, du Freud et aujourd'hui du Einstein qui est déjà sorti dans plusieurs langues. Donc on fait quand même très attention à l'aspect, je dirais, fond. Mais en même temps, je crois que c'est ce qui donne la chair en fait à notre travail, c'est le fait que justement on projette notre subjectivité, enfin celle d'aujourd'hui, sur ce personnage. Donc c'est ça qui lui donne une sorte de patine un petit peu moderne, un petit peu rigolote. Donc on le modernise, mais en même temps on respecte l'homme, sa trajectoire et au fond son désir de science. Donc il s'agit en effet de faire la part des choses, mais en même temps je pense que pour moderniser, faire passer et peut-être éclairer, je crois que c'est important de se projeter soi-même dans ces personnages, parce que sinon ils restent très figés finalement. Ah oui, c'est part de vous en tout cas. Est-ce qu'il y aurait un petit passage de la bande dessinée que vous aimeriez nous lire ou qu'on peut vous faire lire, juste pour donner un petit peu... Je choisis la page. Oui, je vois dubitative. Oui, d'un coup, c'est vrai. La page 49, celle-ci. Il faut expliquer le dessin, c'est Einstein qui serpente sur une sorte de route qui peut être la route de sa pensée, non? Oui, c'est ça qui est en même temps un nœud borroméen, c'est-à-dire que il navigue d'une face à l'autre sans qu'il y ait de solution de continuité. Alors donc, on voit Einstein au tout début qui est sur cette espèce de toboggan sans fin, et il dit « J'ai raison, j'en suis certain. Toutefois, dans le domaine des sciences, on avance les yeux bandés. » Donc là, il avance sur ce toboggan, les yeux bandés. « Et il m'est arrivé de me tromper, je dois le reconnaître. » J'ai commis des erreurs. J'ai cru bon d'introduire dans ma théorie une constante cosmologique qui ralentit l'expansion de l'univers. Ma plus grosse bévue. Einstein est accablé. Quoique, allez savoir. Depuis le début du XXIe siècle, certains scientifiques se demandent si je n'étais pas sur le bon chemin finalement. Tout de même, penser comme les autres, quel piège. Autre erreur, j'ai demandé la nationalité allemande à Berlin avant la guerre et je l'ai regretté ensuite. C'est simple, ne me parlez plus d'Allemagne. Le désastre nazi m'a dégoûté de ce pays. Mais le pire, quand j'y pense, j'en suis malade. Moi qui suis pacifiste, j'ai écrit en 1939 au président Roosevelt pour lui demander d'armer l'Amérique en vue d'une guerre totale. Honte intersidérale. On sent la modernité, en tout cas, de ce rendu de votre personnage. Merci, Corinne Maier. Et si vous l'aviez rencontré, Einstein, est-ce que vous auriez aimé lui poser une question ? De multiples, oui, j'aurais certainement aimé. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est le côté quand même très, très illuminé, un peu fou, en fait. Et ça, j'adore, en fait. C'est quand même... Il est dans une autre planète. Et ce que je trouve fascinant, c'est cette position qu'il a d'être, de se prendre pour Dieu, en fait. Il y a un côté, il est Dieu, au fond. Je pense que sa position dans le monde, c'est vraiment d'être Dieu et de comprendre tout l'univers. Enfin, c'est une ambition, qui est phénoménale, qui est incroyable. Et ça, j'adore, en fait. C'est tellement incroyable et fou. Que c'est le point qui me fascine le plus. Donc, je leur ai posé une multitude de questions. Finalement, pour répondre à la mienne, était-il fou ? Jean Eisenstedt. Oui, tout en notant qu'Einstein aurait pu vous répondre qu'on n'a jamais la vérité. Il l'a mis très clairement dès les années 14-19. Jamais la vérité. Et je ne pense pas qu'il se prenait pour Dieu. Je ne pense pas. Un savant fou, oui. Oui, un artiste, oui. Dieu, je ne pense pas. Il essayait de construire une théorie, mais il savait que les théories étaient mortelles. Il le dit d'une manière très claire. Et ça, je trouve que c'est très beau. Il savait que sa théorie était mortelle. Celle de Newton, il venait de la liquider, hein, il faut bien le dire. Et donc, la sienne aussi était mortelle. Mais il y a une chose sur laquelle nous tomberons d'accord, c'est que Einstein était un poète. Ah, tout à fait. Un artiste, mais vous savez, il y en a très peu en science. Eh bien voilà, alors profitons-en. Et puis un non conventionnel, comme vous disiez, Corinne Maier, parce que vous aussi, vous êtes réputée pour être non conventionnel dans ce monde de la bande dessinée. On laisse les auditeurs découvrir justement cette BD, Einstein, une biographie dessinée donc avec Anne Simon, troisième volet d'une trilogie, puisqu'il y a eu Freud et Marx avant le tout paru chez Dargaud. Merci à vous. Et puis à vous conseiller aussi dans cette fin d'année pour les férus de maths, calendrier mathématique 2016, un défi quotidien, les nœuds sauvages. Eh bien, c'est l'édition 2016 du calendrier mathématique qui vous plonge dans l'univers des nœuds et de leur caractère fractal, avec des textes qui vous présentent ces objets mathématiques passionnants, l'étude qui est faite aussi par les mathématiciens. Voilà, vous allez relever des défis. Et bien sûr, le calendrier, je vous rassure, est accompagné d'un livret des solutions qui détaillent avec précision les réponses à chaque problème. Et c'est édité au CNRS, l'IRMA et l'Université de Strasbourg. Et les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis Archives. Et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant 1 an et nous suivre sur Twitter. C'est la fin de La Marche des Sciences. Ravie de vous avoir accompagné en ces fêtes de fin d'année. Je remercie vivement toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Catherine Donnet, Anaï Morales et Gwen Michel pour les archives de l'INA. Alexandra Malka à la réalisation, à la technique Élise Leu. Sans oublier les deux reporters de l'équipe, Céline Duchesnay et Catherine Decopé, et notre jeune stagiaire Noé Lamore de Gaille. Et merci également à Neil Warsh pour la technique assurée depuis la Radio Nationale Publique à New York. La semaine prochaine, pour le dernier jour de l'année, nous vous entraînerons dans les profondeurs des abysses et de leur histoire avec Christophe Mijon pour son livre Abyss, une histoire des grands fonds, paru aux éditions Paulsen, et à ses côtés, l'océanographe Daniel Reiss. Demain, autre rendez-vous de Culture Science à 14h avec Michel Aluaganti, Sciences Publiques. Et puis à 15h aujourd'hui, Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais tout de suite, les bonnes feuilles du jour. Très très bon Noël à vous tous.